Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le premier référendum sur la souveraineté du Québec de mai 1980. Je trouve que la question est un peu ridicule parce qu'elle ne pose pas le vrai problème. Et d'autant plus qu'ils disent qu'il y aura un deuxième référendum. Puis ils disent, on va avoir un mandat pour aller à Ottawa. Ils ont toujours eu des mandats pour aller à Ottawa. Qui viennent, ça va être un non. Qu'est-ce que la démarche du PQ, c'est bien simple, ils veulent se séparer du Canada. Alors, qui vote la séparation, à ce moment-là, et qui fasse face aux conséquences? Pour Jean Chrétien, qui est ministre fédéral de la Justice sous le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau en 1980, le gouvernement de René Lévesque ne pose tout simplement pas la bonne question aux Québécois lors du premier référendum sur la souveraineté du Québec du 20 mai 1980. S'il est vrai que la question est longue, relativement complexe et sujette à interprétation, la réponse des Québécois sera, elle, sans ambiguïté, 6 Québécois sur 10 rejetteront la proposition de souveraineté association du gouvernement du Parti québécois. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Mais en attendant, avec la même sérénité que tout notre comportement pendant la campagne, il faut quand même avaler cette fois-ci, c'est pas facile. Je m'excuse. Je dois vous dire que c'est dur, ça fait plus mal. Ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Et je sais de quoi je parle. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est ceci. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tout, sans exception, à tous les gens de chez nous. Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je ne suis pas tout à fait en voix, là. Gens du pays... Allez! C'est votre tour. C'est un peu la mort dans l'âme que René Lévesque se présente devant ses partisans le soir de la défaite référendaire du 20 mai 1980 pour nous raconter l'histoire de ce premier référendum sur la souveraineté du Québec. Mon invité Jean-Charles Paneton, historien et politologue, auteur du livre « Gouvernement Lévesque, tome 1 de la genèse du PQ au 15 novembre 1976 ». Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. On a entendu un petit bout de cet extrait, de ce discours devenu célèbre de René Lévesque le 20 mai 1980. À quoi assistons-nous ce soir du 20 mai 1980? Bien, une grande défaite de la souveraineté, de cette option que défendaient les militants du Parti québécois. En fait, l'existence même du Parti québécois est liée à cette question-là. On entend dans la foule, et c'est intéressant, toute la déception et la colère. On l'entend à un certain moment donné. Et là, Lévesque va agir en véritable chef d'État. Il l'écrira dans ses mémoires et ses collaborateurs le diront aussi. On voit qu'il tente de canaliser l'énergie de cette foule. Il sent que c'est potentiellement explosif. Il va le dire plus tard. Oui, exactement. Dans son autobiographie, il va le dire. Il n'aurait suffi qu'une étincelle pour que tout s'embrase. Et il va décider de canaliser. Donc, même, on le voit, il fait chanter la foule. Il tente donc de les ramener un peu dans une certaine sérénité, entre guillemets, parce que le coup est porte très durement auprès de plusieurs militants qui sont indépendantistes et pour qui c'est une cause fondamentale. Donc, moment tournant en même temps, défaite importante pour les souverainistes, c'est le premier référendum. Il y a quelque chose, je pense, de plus, pour avoir entendu des gens qui ont connu les deux référendums, de plus romantique d'associer au premier. Et puis, un ouf, j'imagine, au Canada anglais et du côté des fédéralistes. Un ouf du côté du Canada anglais, très certainement, aussi du côté du gouvernement Trudeau qui est en place à Ottawa. Peut-être des points d'interrogation et des incertitudes dans le camp fédéraliste québécois. Ouais. Parce qu'on retrouve, il faut le rappeler, plusieurs nationalistes qui, eux, veulent un fédéralisme décentralisé, pas nécessairement un fédéralisme centralisé. Et Pierre-Éliott Trudeau, tout au long de la campagne référendaire, a plutôt été vague sur le type de réforme qu'il entend mener par la suite. Et donc, il y a un gros point d'interrogation. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. C'est le 20 décembre 1979, Jean-Charles Panton, que René Lévesque, le premier ministre Lévesque, dépose la question référendaire à l'Assemblée nationale. Elle est longue, on a entendu oui, cette question. Elle est très longue. Relativement complexe. Comment en arrive-t-on à cette question-là? On pourrait faire un parallèle avec tout le processus, moi j'appelle un peu ça les circonvolutions là, de la mécanique référendaire, c'est-à-dire qu'on part au début, quand le Parti québécois est fondé, une simple élection générale suffit pour enclencher le processus menant à la souveraineté. En 1974, par la suite, on va ajouter d'autres étapes et on se dit donc on enclenche quand même les négociations. Si, advenant un refus d'Ottawa de négocier, à ce moment-là, on va mettre en place un référendum, on va consulter la population. Ça, c'est un premier élément qui est posé là. Et ensuite, on va ajouter d'autres éléments. Ensuite, en 1977, on dira d'abord un référendum avant d'entamer des négociations. Et c'est intéressant de noter que en 1976, quand le gouvernement est élu, il ne met pas en place le processus d'accession à l'indépendance. Il le tient mort. Et ce n'est qu'en 1977 qu'on va rajuster le tir pour que ça soit conforme à la politique menée par le gouvernement Lévesque, élu en 1976. Et puis, donc, premier référendum, d'abord avant d'entamer des consultations avec des négociations en fait avec le gouvernement d'Ottawa. Et puis, enfin, un deuxième référendum advenant que le gouvernement fédéral refuse de négocier. Et ce deuxième référendum portera cette fois-ci sur la souveraineté association. Parce qu'au fond, un des problèmes de la question, c'est qu'elle est longue et qu'elle peut prêter à interprétation, puis le camp du non ne s'en privera pas. Mais objectivement, la question qu'il y a devant nous, le 20 mai 1980, c'est une question qui demande aux Québécois de permettre au gouvernement de lui donner un mandat de négocier avec le Canada. Oui, c'est un tout petit mandat, si on peut dire, en ce sens-là. Il n'y a pas beaucoup de risques liés à ça. Pourquoi on propose une question comme celle-là? C'est qu'on est très, très conscient. Claude Morin en est un peu l'architecte, le grand étapiste, même si, bon, il est appuyé... Ministre de l'Évêque à l'époque. Le ministre des Affaires intergouvernementales. Donc, même s'il est appuyé par l'Évêque, évidemment, l'Évêque est d'accord avec cette démarche étapiste-là. On veut y aller par petits pas. On ne veut pas effrayer, hein. On dit toujours les Québécois ont peur. On ne veut pas les effrayer. On veut gagner aussi. Absolument. Et on veut gagner. Une question. On n'en sortira pas au Parti québécois pendant des années. On veut une question gagnante. On veut une question gagnante. On veut une mécanique référendaire gagnante. On veut être gagnant. Mais toutes ces étapes et tout ça font peut-être en sorte que les électeurs québécois vont être confus quant à la question, parce qu'on peut la lire de bien des façons. Et même en campagne électorale, plusieurs ministres diront, ben, même si vous votez oui, ça ne changera pas grand-chose. Alors, les électeurs peuvent être confus. Ce que les sondages démontrent tout au long de cette campagne, et même un peu avant, c'est que l'option souverainiste, elle est au maximum à 30 %. Ce qui ressort fortement, c'est que les Québécois veulent le renouvellement du fédéralisme. Au fond, la question, c'est un peu ça en même temps, mais la réponse, ce sera non. Entre autres parce qu'il y aura une campagne, parce qu'on brandira toutes sortes d'arguments, et parce que la question, elle est tellement longue et complexe qu'on lui fait dire un peu ce qu'on veut, encore une fois. Écoutez, là-dessus, Gérard Delévesque, qui est député au Parti libéral du Québec à l'époque, mais qui a été ministre, qui a été vraiment un personnage important. Qui était chef intérimaire du PLQ précédent, qui précédait Claude Ryan, entre autres. Oui, un homme important. Écoutez-le. Se railler, il n'y a pas d'autre mot, de la question dans un discours qu'il tient au printemps 1980. Mes amis, je n'invente rien. Vous n'avez qu'à regarder la question qui est écrite, là. Celle qui est écrite, là. Vous n'avez qu'à regarder cette question-là. D'ailleurs, ça vous prend deux paires de lunettes. Il y a ce qui est écrit fin, fin, fin. Puis évidemment, ce qui est écrit gros. Ce qui est écrit gros, c'est le mandat. C'est le négocié. C'est l'entente avec le beau Canada. Voilà. Et ce qui est écrit fin, là, si vous avez le temps de le regarder, ben ça, s'il y avait un oui, c'est ça qui deviendrait gros. Alors, c'est une des réactions que suscitera cette fameuse question référendaire. Globalement, Jean-Charles Panton, quel genre de réaction va susciter la fameuse question? Bien, on l'a vu, si on reste sur le champ purement politique, on a vu que le jeu des libéraux, la stratégie des libéraux, et c'est ce que démontrent un peu les recherches, ils veulent essentiellement associer la question à la souveraineté association et même à l'indépendance, au séparatisme, comme le diront plusieurs opposants fédéraux, entre autres. Et donc, leur jeu, c'est carrément de faire peur à la population québécoise en leur disant « Faites bien attention, les petits caractères, comme le dit si bien notre ami Lévesque, ces petits caractères-là vont vous engager vers l'indépendance et pas vers la renégociation du pacte confédératif de 1867. » Donc, leur objectif, c'est vraiment la peur. Et à ça, on rajoutera évidemment toute la question « Vous allez perdre vos pensions de retraite, le prix du pétrole va exploser si vous votez oui, etc., etc., etc. » C'est donc l'objectif stratégique même des libéraux fédéraux et provinciaux de faire peur avec cette question-là. Et comme elle est complexe et on disait un peu floue parfois, eh bien, elle laisse justement toute la place au camp adverse. Et puis, du côté souverainiste, il y a des gens qui vont être déçus aussi en se disant « c'est beaucoup trop mou comme question, c'est pas ça qu'on veut, on veut un pays tout de suite ». Tout à fait. Pour les indépendantistes, toute la frange indépendantiste, qu'on parle de Pierre Bourgault, d'André Ferretti, André d'Allemagne, Marcel Chaput et compagnie, tous ces gens-là ne se retrouvent pas dans cette question-là. Bourgault va accepter de militer, mais il y va de reculons et il le dit publiquement, donc il le critique. Il le critique sans se retenir. Et donc, même dans le camp souverainiste, il y a une opposition à cette question-là. Elle est donc déposée, cette question référendaire, à l'Assemblée nationale le 20 décembre 1960. Le débat référendaire à l'Assemblée nationale commence, lui, le 4 mars 1980. Pour parler en vocabulaire de hockey, comment se déroule cette première période de jeu, Jean-Charles Panton, le débat à l'Assemblée nationale? Le débat à l'Assemblée nationale va donner gagnant, et les observateurs de l'époque le disent, le gouvernement Lévesque. Le gouvernement Lévesque va performer de façon admirable, d'une part en défendant donc la question, mais en attaquant aussi tous les problèmes liés au fédéralisme canadien. Et ça, les libéraux ne sont pas prêts à répondre à ces attaques-là. Eux sont prêts à dénoncer la question, mais ils sont plutôt mal préparés. Et l'autre élément qui est fort intéressant, qui est aussi une nouveauté à l'Assemblée nationale, c'est qu'ils sont filmés maintenant. Les caméras sont là et on peut... D'ailleurs, les Québécois vont pouvoir regarder... il y a des dizaines de milliers de Québécois, d'ailleurs, qui vont regarder les débats à la Chambre, ce qui n'est probablement plus le cas aujourd'hui, disons. Ça a perdu en popularité, mais à l'époque, c'est très populaire. Et malheureusement, donc, Claude Ryan, souvent, quand ses collègues libéraux interviennent, va bâiller, se gratter la tête. Bon, on dirait qu'il n'est pas conscient que la caméra est là. Et les libéraux, en général, sont moins conscients aussi. Et donc, leur image en prend pour son rhume. Ouais. Mais il y aura une intervention à l'Assemblée nationale qui va peser très lourd dans la balance et qui va faire très mal au camp du oui, c'est l'intervention de la ministre Lise Payette qui va déclencher ce qu'on va appeler le mouvement des Yvettes. J'ai en main un livre de lecture de deuxième année dans lequel on peut lire « Guy pratique les sports, la natation, la gymnastique, le tennis, la boxe, le plongeon. Son ambition est de devenir champion et de remporter beaucoup de trophées. Yvette, sa petite sœur, est joyeuse et gentille. » Je vous prierai d'écouter, ça va vous faire du bien. Elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain, versé l'eau chaude sur le thé dans la théière. Elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait. Elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Après le déjeuner, c'est avec plaisir qu'elle a essuyé la vaisselle et balayé le tapis. Yvette est une petite fille bien obligeante. Mais Mme Payette va plus loin. Dans son souci de lier lutte pour la souveraineté nationale et lutte pour la libération de la femme, elle identifie Mme Ryan, l'épouse du chef libéral, à une Yvette. Eh bien, le mouvement des Yvettes a fait boule de neige. C'est finalement près de 14 000 Yvettes qui sont réunis au Forum de Montréal ce soir pour entendre une vingtaine d'orateurs défendre la cause du non au référendum. Même si on est des femmes ou à notre foyer qui éduquent nos enfants, on n'est pas des innocentes. Notre nom est celui de beaucoup de mères qui se lèvent pour pouvoir répondre par un non aussi. Lorsque leurs enfants et petits-enfants demanderont peut-être « Mais où donc étiez-vous le jour où le Canada s'est déchiré? » Si on pense à notre bien-être, mais on y pense avec notre tête. On ne joue plus à oui ou non, plus on y pense, et plus c'est non. Alors, cette affaire des Yvette, Jean-Charles Paneton, ça va être un point tournant dans la dynamique référendaire. Ça commence donc par cet extrait, on entendait Lise Payette, qui fait le lien entre la libération, l'émancipation du Québec, du pays, à l'émancipation de la femme. C'est plus tard qu'elle va associer Mme Ryan à une Yvette, puis ça déboule. Quel impact ça va avoir, cette affaire-là, dans la campagne? Au départ, on le sait, la première manche est gagnée par le gouvernement Lévesque en chambre, et donc ils ont un bon air d'aller. Ils ne sont pas sur la défensive du tout. Ce que va faire tout ce débat, cette affaire des Yvettes-là, c'est que ça va carrément mettre le camp du oui sur la défensive. Oui. Ça va changer complètement la dynamique. Et si on ajoute à ça d'autres éléments comme l'entrée en scène de Pierre-Éliott Trudeau un petit peu plus tard dans la campagne référendaire, ça fait en sorte que le camp du oui n'arrive pas à reprendre l'initiative et demeure somme toute sur la défensive. Et ils vont réaliser enfin... près de deux semaines avant l'échéance du 20 mai, que finalement, ils ont perdu le peu de terrain qu'ils avaient gagné au tout début de cette campagne. Et les Yvettes, c'est vraiment le point de rupture, le moment où ça bascule? Bien, les Yvettes, c'est le prétexte parfait pour les organisateurs de la campagne du non, parce qu'ils vont mobiliser beaucoup de femmes à travers le Québec. C'est une réaction, diront certaines analystes, comme Lisiane Gagnon, anti-féministe, si on peut dire. Mais malgré tout, politiquement, oui, ça amène une mobilisation que le camp du non n'arrivait pas à obtenir jusqu'à ce moment. Sans compter cet élément que vous signaliez vous-même il y a un instant, ce discours, ce fameux discours, la présence d'abord de Pierre-Éliott Trudeau, le premier ministre canadien dans cette campagne, et ce fameux discours du 14 mai 1980. Le gouvernement du Canada, le gouvernement de toutes les provinces se sont déjà exprimés clairement. Si la réponse à la question référendaire et non, nous avons tous dit que ce nom sera interprété comme un mandat pour changer la Constitution, pour renouveler le fédéralisme. Je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel qu'à la suite d'un nom, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant que ce soit fait. Et si je m'adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons à vous des autres provinces que nous n'accepterons pas en fuite que ce nom soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout veut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu. Quel impact aura la présence de Pierre-Éliott Trudeau dans cette campagne référendaire, Jean-Charles Paneton, et ce fameux discours, cette promesse de fédéralisme renouvelé au fond qu'il fait à quelques jours de la tenue du vote? Le camp du non, en fait, va établir assez clairement sa stratégie dès le départ sur la base des sondages. On en a parlé. Ce que veulent les Québécois dans ce contexte-là, c'est essentiellement renouveler le fédéralisme. Et tout le long de la campagne, la stratégie, elle est claire. Dire oui, c'est la souveraineté association. Et dire non, c'est dire oui, en fait, au renouvellement de la Constitution. Quel type de renouvellement? Comment on va le faire? Là-dessus, c'est pas très clair. D'une part, parce que Claude Ryan et les libéraux provinciaux n'ont pas de position constitutionnelle claire. Ils préfèrent attendre après le référendum pour publier leur position constitutionnelle. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas véritablement, on n'a pas défini qu'est-ce qu'on changerait dans la Constitution canadienne. On a en fait laissé tout le champ libre à Pierre-Éliott Trudeau et aux libéraux fédéraux. Pierre-Éliott Trudeau est très vague, on le voit. Oui, on renouvelle renouvellera tout ça. Certains diront on n'attendait pas qu'il procède de façon unilatérale par la suite. Il faut peut-être voir dans l'histoire qu'il l'a dit déjà une année ou deux avant qu'il procéderait s'il ne s'entendait pas avec les provinces de façon unilatérale. Donc, on connaît déjà le ton et le caractère de Trudeau là-dessus, sur cette question-là. Donc, les libéraux québécois, au fond, font pas le poids. Là. C'est Ottawa qui mène cette campagne du côté du non? On peut dire ça comme ça? Mais dès que Pierre-Éliott Trudeau met le pied dans la campagne référendaire, déjà, en fait, les libéraux fédéraux ont investi des sommes colossales d'argent en publicité, en propagande. Ils le font à travers les ministères, ils le font partout. Les libéraux fédéraux, le gouvernement Trudeau s'est préparé dès 1976 en créant une office d'information. Et donc, ils ont bien documenté, ils ont bien travaillé, ils ont travaillé fort, contrairement peut-être au gouvernement Lévesque qui a tassé un peu la question pour jouer le jeu du bon gouvernement. Et qui va tarder, donc va commencer à s'intéresser à l'organisation de cette campagne-là autour de 1979, peut-être l'automne 78, disons. Qui finit par faire un référendum, parce qu'au fond, il n'a pas le choix, c'est un engagement électoral, mais qui retarde la tenue de ce référendum et la préparation stratégique autour de ce référendum. Avec le recul, quelle importance et qu'est-ce que ça représente, ce premier référendum du 20 mai 80 dans l'histoire du Québec et du Canada, Jean-Charles Penneteau? C'est le référendum de 1980 pèse très, très lourd sur la suite de notre pays, Canada, Québec. Là. Donc, on le sait, en 82, il y a le rapatriement unilatéral de la Constitution qui affaiblit considérablement les pouvoirs de l'Assemblée nationale, notamment sur la question linguistique, parce que la loi 101 qui a été votée par le gouvernement Lévesque n'a tout simplement pas passé dans le reste du Canada anglais. Et donc, l'Assemblée nationale elle-même, l'ensemble de l'Assemblée nationale, bon, les libéraux, en fait, vont tendre ne pas voter avec le gouvernement. Mais on va condamner cette façon de procéder-là et d'écarter le Québec dans une question aussi fondamentale que celle d'une nouvelle constitution. Ça va changer complètement la dynamique du pays, en fait. On aura la réponse de Pierre-Éliott Trudeau après coup, la proposition, en fait, de Trudeau après coup. Dernière question, comment comparer les deux référendums sur la souveraineté, celui de 80, celui de 95, dans leur importance historique? Le référendum de 80, je dirais qu'on a mesuré un certain nombre d'erreurs, du moins dans le camp du oui. On a affûté un peu plus nos armes en 95. D'ailleurs, la stratégie, le résultat aussi électoral est très différent. En 80, on est loin de réussir. Hein? On est à 60-40, alors qu'en 95, on est beaucoup plus proche. On est presque au coude à coude. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais il est certain que le deuxième référendum, comme le premier, a affaibli considérablement le Québec, si bien qu'on ne parle pratiquement plus de toute façon de constitution au Canada ou au Québec. Jean-Charles Penneteau, merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, de nous avoir rappelé l'importance de ce référendum de 80, comment ça s'est passé aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.